de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Au début du café chantant, tout était réglementé. Ainsi la tenue de la clientèle. Robe du soir pour les femmes, habit noir pour les messieurs. Le répertoire était contrôlé. Il ne fallait pas empiéter sur celui du théâtre. Alors, le genre troupier était à l'honneur. Ensuite, il y eut de petites pièces, des acrobaties et puis la quête. Le café chantant, l'ancêtre du café concert. Sur les Champs-Élysées, à Paris, à gauche, en montant, celui d'Anna Piccolo. À droite, le café des ambassadeurs, le café Morel, qui plus tard prit le nom d'Alcazar d'été. Des pierreuses, des gigolettes, des képis, des pantalons rouges, des gommeux et des gommeuses, les acteurs qui chantaient le vaudeville, des gandins, des biches. Le 23 août 1955, pour passer la saison d'été et célébrer le théâtre, l'équipe de la Société d'Histoire du Théâtre renseignait les auditeurs de la chaîne nationale sur les origines du café-concert. Radiodiffusion Télévision Française présente Prestige du Théâtre, une émission de la Société d'Histoire du Théâtre. Saison d'été, aujourd'hui, pas de vacances pour le théâtre. Avec le concours de Maurice Jacquemont, le comédien, Léon Chancerel, Sébastien, le secrétaire, et Gisèle Casatsu de la Comédie Française, la comédienne. Texte de Léon Chancerel et de Bertrand Jérôme. À la suite de cet entretien, vous entendrez La femme à barbe, Élie Frébeau et Paul Blaguère, chantés par Madame Bordas. Premier entretien, vous apprendrez comment la comédienne et le comédien manœuvrent Sébastien le secrétaire pour qu'il renonce à ses vacances et réussissent à l'entraîner dans une conversation à bâton rompu sur la petite histoire des spectacles d'été en commençant par les cafés-concerts. Matière légère et rafraîchissante par excellence qui, si elle relève pour une large part de l'histoire de la limonade, n'en ouvre pas moins des horizons peu explorés de l'histoire du fête-théâtre. Oui, ben, mes enfants, est-ce que vous vous rendez un compte exact de ce que vous voulez me faire faire sous l'égide d'une société savante? Une société savante n'a-t-elle pas le droit de prendre un peu de divertissement? Ce petit café où nous vous avons entraîné pour vous aérer un peu cette guinguette, cet agréable bouchon posé sous les ombrages au bord de la Seine face au village d'Auteuil, enfin à ce qui fut le village d'Auteuil. Oui, bien. N'est-il pas bien fait pour plaire à un moliériste? Je vous en supplie, si vous le mettez sur les séjours de Molière à Auteuil, il y en a au moins pour 3 entretiens. Il venait de Paris à Auteuil par le fleuve. Il prenait le coche d'eau. Il avait même un bateau particulier avec une espèce de petite tente pour se préserver du soleil. Ça s'appelait alors une cabane. Et alors, il débarquait là, en face. Et par un étroit chemin montant, il gagnait entre les murs des vignobles. Car le vin d'Auteuil était très réputé, autant que le vin d'Argenteuil. Oui, il gagnait l'aile du château placée au milieu d'un grand parc qu'il avait loué pour la belle saison. C'était le calme, le silence, la verdure, cher Molière. S'ils avaient su, j'aurais apporté le plan du vieil Auteuil pour vous montrer l'emplacement de la maison. Ah oui, nous aurions aimé voir ce plan, mais dites-moi, mon bon maître, vous n'avez pas soif? Un petit vin blanc se rapprochant le plus possible de celui que Molière et ses amis buvaient au XVIIe siècle. Oui, ben pour trinquer, et puis je m'en vais. Bon, garçon, une bouteille de vin blanc, sec. Oui, mais pour trinquer à qui? À la clôture. À la clôture annuelle des entretiens de la Société d'Histoire du Théâtre et aux vacances. Mais il n'y a pas de vacances pour le théâtre, mon cher. Il y en a pour les historiens. Mais dites-moi, vous parlez de clôture annuelle pour les théâtres, mais ça date de quand, cette coutume? Ça date du jour où l'on a construit des bâtiments spécialisés appelés théâtres et que le public citadin, quand venait l'été, n'avait plus du tout envie de s'y enfermer. Mais ils avaient tort. Pendant la canicule, il fait plus frais dans les théâtres qu'à la terrasse des cafés. Oh oui, et rien ne vaut une bonne ondée pour remplir les salles. C'est exact. Et dans l'impromptu de Paris, Jouvet raconte que, pour garder les spectateurs les dimanches en matinée dans les théâtres, il demande simplement deux petites ondées. L'ondée de 11h30 au moment où on va partir pour déjeuner à la campagne et l'ondée de 2h au moment où on se dit « Oh, bah, il fait tout de même beau, on va quand même partir après le déjeuner. » Il ne veut pas la mort du pêcheur. Et c'est pourquoi, dans cet espoir, il y a des théâtres qui ne ferment pas l'été. Ah, mais vous connaissez bien sûr l'histoire de Monsieur Toutseul. Oui, oui, oui. Mais j'ai quand même envie de vous la raconter. Ma chère, dites par vous, elle me semblera nouvelle. Oh. Par un beau jour d'été des environs de 1740, les comédiens italiens à Paris, dont la vedette était le célèbre Arlequin, Carlo Bertinazzi, dit Carlin, ne voyant arriver aucun spectateur, allaient se résoudre à faire relâche. Four, hein? On disait faire four. Ah? Vous savez pas d'où vient l'expression? C'est tout simple, de ce que le public ne venant pas. On n'allumait pas les chandelles. Ah, et qu'il faisait, selon la vieille expression populaire, noir comme dans un four. Les jours où l'on ne cuit point, faute de farine. Voilà. Vous disiez donc, chère Gisèle, que... Oui, que devant l'absence de spectateurs, le régisseur va demander à Carlin si l'on devait lever le rideau. Mais oui, répond Carlin. Alors on lève, il n'y avait qu'un spectateur. Carlin, sous le masque, le salue avec beaucoup de gentillesse. Alors, l'Arlequin, je veux dire, selon la tradition sautante, dansante d'Arlequin, avec le jeu de jambes, de buste, de bras et ailes qui caractérise le personnage. C'est ça. Mais excusez-moi, je vous interromps. Poursuivez. Bon. Monsieur Toutseul, dit Arlequin. Monsieur Toutseul, nous sommes désolés, mes camarades et moi, d'être obligés de jouer devant un seul spectateur. Cependant, si vous l'exigez, nous jouerons. Monsieur Toutseul répondit à Carlin qu'il n'était venu que pour lui. Il fut donc décidé qu'on jouerait. Alors, poum, pala, poum, pala, poum, orage, tonnerre, pluie torrentielle qui emplit la salle de spectateurs venus se mettre à l'abri. Aussi, à la fin de la pièce, Carlin vint à l'avant-scène et dit à son premier client, « Monsieur Toutseul, vous êtes encore là ?»« Oui, monsieur Carlin, » répondit-il en se levant. « Et vous m'avez fait bien rire. » Monsieur Toutseul, dit Carlin, je vous dois des remerciements. Je viens vous remercier pour nous avoir obligés à jouer. Car si vous eussiez repris votre argent, on aurait fermé la salle et nous n'eussions point fait cette belle recette. Et depuis lors, quand les comédiens hésitent à jouer, certains jours de chaleur, on dit, qui sait, peut-être que Monsieur Toutseul viendra ce soir. L'anecdote est charmante et vous l'avez fort bien contée. Bon, oui. Mais laissez-moi vous dire entre nous que, historiquement, je crains que l'attribution à Carlin ne soit pas très exacte. Ah. Ça n'a d'ailleurs aucune importance. Et à mon tour, je vais vous raconter une histoire du même genre. Et celle-ci, ça, c'est une histoire authentique. Ah bon? C'est Jouvet qui parle. J'ai eu au lendemain d'une première triomphale une seconde représentation avec 11 spectateurs. Nous leur avons demandé s'il fallait jouer. Ils se sont réunis au premier rang, nous ont acclamés à la fin et sont allés tous les 11 ensemble prendre un boc. Et je dois dire que les souvenirs de ce passé me sont les plus précieux, que l'appréhension de temps semblable ne me rebute pas, que l'ovation des 11 spectateurs m'attire étrangement, et que c'est toujours ces 11-là que je salue à leur premier rang dans les triomphes. Gentil. Bon, et ben là-dessus, bonsoir. Oh non, on est très bien ici. Vous ne trouvez pas que ça manque un peu de musique? Le vin blanc appelle la musique. Être assis l'été en plein air, sous les arbres, devant un guéridon, ça ne suffit pas. Quiconque a le goût des spectacles, et vous l'avez. Oh, ceux du passé, surtout. À partir du 18e siècle, tu sais, je suis perdu. Mais est-ce que vous n'avez pas éprouvé, parfois, le besoin d'un spectacle accordé au charme du plein air et des beaux soirs du Paris printanier? Oui, est-ce que dans votre jeunesse, vous n'avez pas été le spectateur des cafés chantants des Champs-Élysées? Ah oui, le Quasar d'été, les ambassadeurs, le jardin de Paris. Mais c'est un sujet qui vous intéresse? Oh oui, ça y est, Maurice. Oui, je crois que ça y est, oui. Eh bien, dites-moi, il dut y avoir des cafés chantants, enfin, sous les arbres, avant ceux des Champs-Élysées. Mais en quantité et toutes sortes de spectacles. Vous avez lu le livre que Tristan Rémy vient de publier sur De Bureau? Ah oui, c'est passionnant. Non, mais de plus, ça renouvelle complètement toute la question de Bureau, c'est remarquable. Oui. Eh bien, le 1er mai 1822, en l'honneur de Son Altesse Royale le Duc de Bordeaux, de grandes fêtes populaires ont lieu aux Champs-Élysées et les artistes de Philippe Germain de Bureau, le père de Gaspard de Bureau, présentent leurs exercices au prix de 450 francs. Oui, bien justement, Tristan Rémy a rappelé tout ça, et il nous a rappelé aussi que les Sakis vinrent danser sur la corde, que Hardy, dit Gilotin, présenta des parades et des pantomimes aux Champs-Élysées. Et pour la Saint-Louis, 1822, De Bureau engage spécialement 8 acteurs pour les théâtres du Carré des Champs-Élysées. Oh. Au spectacle, danseurs de corde, Hercule, équilibristes, voltigeurs, grotesques aériens, et... Aussi, il y avait Monsieur Comte, vous voyez, oui. Il y avait tout. Mm-hmm. Monsieur Comte, physicien du roi, enfin les tours de passe-passe. Oui, oui. Et les illusionnistes. Et enfin, des acteurs qui chantaient le vaudeville. Des mâts de cocagne garnis de pièces d'argenterie, de bijoux. Bertrand et Fabien qui présentaient une troupe nombreuse de parodistes et mimes. Enfin, vous voyez, comme oui, c'était... mais Tristan Rémy raconte même qu'en 1823, la troupe des funambules obtint l'autorisation de présenter un mélodrame d'actualité avec combat, prise de fort et évolution militaire. Hmm. Il y avait très peu de dialogue et quelques couplets. C'était intitulé « La prise de Lograno » ou « Les Français en Espagne ». Et c'est naturellement à la gloire de la famille royale. Ouais, ce fut un grand rassemblement de monde aux Champs-Élysées, un gros succès. On fit 9 740 francs de recettes. C'est énorme. Et en 1824... un Saki, Madame Saki ou son beau-frère, on ne sait pas exactement, fit l'ascension de la corde au milieu du feu d'artifice tiré par Ruggieri sur les Champs-Élysées. Voyez, les Champs-Élysées. Et c'est là le point de départ du CAF-France. Et selon Rémy, c'est vers 1840 que s'ouvrirent les cafés-concerts d'été sous les ombrages des Champs-Élysées. Il y en eut trois. L'un à gauche, en montant l'avenue, tenu par Madame Anna Piccolo. Mais c'est pas de là que vient l'expression picoler. Oh bon, j'en sais rien. Oh, oui, pas sérieux. Vérifiez. Ah oh, oui, non, mais tenons-le pour certain. Sur le côté droit de l'avenue, il y avait le café Morel et le café des ambassadeurs, ainsi nommé à cause de sa proximité avec l'hôtel Crillon, où logeaient alors les ambassadeurs étrangers. Ah oui. Le café Morel, dit pavillon Morel, devait, en 1861, enfin par là, prendre le nom d'Alcazar d'été. Sa vogue fut considérable sous le Second Empire et continua par la suite, ainsi que vous le savez, hein. Oui. Ce pauvre Alcazar d'été désaffecté, il ne se doutait pas alors qu'en 1950, il abriterait le matériel des organisateurs du plan Marshall. L'Alcazar d'été est bien caractéristique, n'est-ce pas, des goûts, des mœurs d'une époque bien révolue. Oui, la fête impériale. Les gandins, les biches, les cocodesses. La corbeille. La corbeille. La corbeille. La corbeille. La corbeille était composée de 6 à 10 figurantes en robe du soir, qui étaient assises en demi-cercle autour des chanteurs et des chanteuses. Mais pourquoi cette figuration ? Pour suivre les règlements imposés au café chantant par la préfecture de police, en leur donnant un genre salon, réception mondaine, afin de ne pas empiéter sur le domaine des théâtres. Oui, oui, oui, ça c'était... c'est un des incidents de l'éternelle querelle des théâtres et de l'administration. La seule tenue que l'administration autorisait, pour ne pas faire concurrence au théâtre, c'était la robe du soir pour les femmes et l'habit noir pour les hommes. Ah. Oui. Et le répertoire était rigoureusement contrôlé. Rien que des chansons, pas de dialogue, pas de décor, pas d'accessoires. Ce n'est qu'en 1867, à la suite d'une campagne de presse menée par Francisque Sarcey. Ah bon ? Oui, oui. Que l'administration accorda aux artistes des cafés-concerts le droit de paraître en costume, de jouer de petites pièces et d'offrir à son public des intermèdes de danse et d'acrobatie. Autre caractéristique du café-concert, la caisse. Ah. Oui, oui. Après leur tour de chant, les artistes descendaient dans le public et tendaient gentiment l'aumônière. Mais ce qui dispensait les directeurs de les payer. Il les payait un peu. Mais... ah oui, mais enfin, c'était la caisse en réalité qui les faisait vivre, non? Mais le principe de la quête vous choque? Bon. Pourtant, écoutez, si on réfléchit, d'abord, ce principe est à l'origine même du théâtre. Et je pense qu'il n'a rien d'humiliant. Mais voyons, c'est la suppression de l'intermédiaire entre le public et l'artiste. Pas de tarif imposé à la porte, on laisse au public le soin de rétribuer directement une satisfaction, une admiration, qui ne peut pas se tarifier. À votre bon cœur, monsieur Dax. Oui, c'est comme disaient les acrobates de la place publique, oui, pourquoi pas. Ah non, c'est égal, je ne vois pas. Entre deux actes, les comédiens descendent dans la salle, les comédiens de la Comédie Française, la doyenne, le doyen en tête. Oh non. Bon, enfin, revenons plutôt à l'histoire de l'Alcazar d'été sous le Second Empire. Parlons un peu du répertoire et des célébrités du tour de chant. Bon, eh bien, on peut distinguer un certain nombre de catégories de genres. Oui, de genres qui d'ailleurs se sont maintenus sous la Troisième République et dont certains même persistent encore. Il y avait le genre troupier. Pantalon rouge, treillis, fantassin au cavalier, képi, pompon, gants blancs, nez rouge. Oui, c'est un genre qui illustrait Ouvrard... Paulin. Wilbert. Oui, Wilbert, que j'ai... encore vu acclamé par le public bon enfant de l'Eldorado, transformé depuis en cinéma naturellement. Et Bach, oui, Bach, que nous avons tous applaudi. Non mais continue, je vous en prie, parce que votre essai de classification... Ça vous intéresse. Oui. Il y avait les gommeux et les gommeuses, ou on disait aussi excentriques, ou encore les épileptiques. Et ça a inspiré plusieurs générations de chanteurs. Et pourquoi ce nom de gommeuse? Je ne sais pas du tout. Encore une recherche à faire, Sébastien. Écoutez, ne plaisantez pas. Je ne peux pas vous permettre, même en vacances, même entre nous, la moindre raillerie touchant les recherches de l'érudition. Ce que je peux en tout cas vous dire, c'est que ce fut Poller qui lança le genre de la gommeuse vers 1899. Elle apparaissait dans l'auréole d'un extravagant chapeau orange empanaché de feuilles d'iris, haut troussé et de ses jupons jaunes. Sortaient deux jambes agiles, gantées de bas à joues. Costume qui, après son succès foudroyant, devint le costume de l'emploi. Colette a écrit une jolie page sur les débuts de Poller dans ce qu'elle appelle son numéro d'épilepsie et sur ses chansons, aussi sottes que bassement et grossièrement équivoques, telles que le portrait du petit chat. Oh oui. Poller, dit Colette, chantait cette pauvreté en crispant tout son corps, en frémissant comme une guêpe engluée, en souriant d'une bouche convulsive comme si elle venait de boire le jus d'un citron vert. Oui, c'est très bien dit. Elle se trémoussait, frétillait, ondulant des hanches, des reins, du ventre, se tordait, se cambrait, se cabrait, miaulant, en se pâmant, les yeux révulsés. Et la salle demeurait figée de stupeur, oubliant d'applaudir. Oui, j'ai vu ça. Et alors elle fit école, naturellement. Il y eut Alice de Tinder en robe courte pailletée, froufrou rose. Madame Dalma était en mauve. Et surtout, il y a eu Miss Tinguette. En robe jaune à paillettes noires et en chaussettes rayées. Elle chantait « J'ai le cœur en feu, feu, feu ». Et elle s'agitait. Alors, les potaches, ceux qui avaient un petit peu d'argent, allaient l'applaudir en matinée à l'Eldorado, dans l'avant-scène du rez-de-chaussée, côté cour. Ah. Mais loge infernale. Et on la bombardait de bouquets de violettes. Et vous en étiez, Sébastien? Mais vous me faites dire des bêtises. Allez, bonsoir. Non, parlons sérieusement, je vous en prie. Bien, et alors? L'emploi de gommeuse exige des qualités de danseuse et même d'acrobate. Il y a eu un gommeux célèbre, il s'appelait Libère. Il créa en 1878 son grand succès. Ça s'appelait l'Amanda. C'est l'Amanda. Oui, mon père m'assurait que c'était irrésistible malgré l'imbécilité du texte. Cet emploi, l'emploi de gommeuse, se rapproche d'ailleurs de l'emploi de ce qu'on nomme les scieurs. Les scieurs. Oui, ce sont ceux qui lancent les scies populaires. C'est un genre qui a connu une très grande vogue au café-concert de 1905 environ. Exemple. Voilà Mathieu. Comment vas-tu, ma vieille? On dirait du veau. As-tu vu Lambert? En voulez-vous des hommages? Les salvettes, ils ont du poil aux pattes. Un chef-d'œuvre d'ineptie, eh bien, qui fut tiré à 400 000 exemplaires et qui enrichit son auteur. Oh, c'est idiot. Ah, aussi, Joséphine, elle est malade. Ah, les petits pois, je suis le fils d'un niaf. Ah, niaf, oui, mais deux des grands succès de Dranem, ça. Oui, c'est la traduction Carprise-Bourville. C'est ça. Ah, puis alors, naturellement, le genre sentimental. Ah. Avec les romanciers et les romancières. Ce sont nos actuels chanteurs et chanteuses de charme, ou chanteuses dites à voix. Mais est-ce que ce n'est pas le genre qui rendit célèbre la fameuse Teresa? Ah, Teresa. Emma Valandon, dite Teresa, née vers 1837 en Eure-et-Loire. Elle fut l'idole de Paris à la fin du Second Empire. Elle avait débuté par des chansons sentimentales, d'une lamentable niaiserie. Mais elle était trop intelligente pour ne pas sentir la nullité, le ridicule, et la complète absence de poésie vraie, d'émotion humaine. Oui, tout comme Frédéric Lemaître avait senti l'imbécilité profonde de l'Auberge des Adrets, noir mélodrame qui transforma en farce. Ah, c'est ça. Mais alors elle changea de genre? Mais naturellement, et elle le raconte dans ses mémoires, c'est très amusant. Et Gisèle Casadesus va nous lire ce passage des mémoires de Teresa. Bon. L'Eldorado venait d'ouvrir. On cherchait des chanteuses partout. On me fit des propositions. 200 francs par mois et le titre de chanteuse dramatique. Je débutais par Fleurs des Alpes, une romance de Mazzini. Je chantais cette romance filandreuse avec un succès médiocre. Nous étions en décembre. Notre directeur nous offrit de réveillonner chez lui. À ce réveillon, il avait invité M. Goubert, son confrère de l'Alcazar. Le souper fut gai, si gai même qu'au dessert, M. Vélotte, un de mes camarades, et moi, nous quittâmes la table et, nous affublant, lui d'une blouse, moi d'une vieille robe d'habilleuse et d'une marmotte sur la tête, nous nous mîmes, avec accompagnement de guitare et de tambour de basque, à chanter comiquement Fleurs des Alpes. J'eus personnellement un succès prodigieux. On me fit bisser. Je bissais en adoptant un accent allemand et en tyrolinisant, ouh là là, c'est dire à dire, le refrain. Quand nous fûmes dans la rue, « Écoutez, me dit Goubert, qu'est-ce que vous gagnez à l'Eldorado ?»« 200 francs par mois. Je vous en offre 300 pour chanter à l'Alcazar et aux Champs-Élysées, pavillon Morel. » Les romances de cœur? Non, non, non, les romances comiques. Et quelques semaines plus tard, Teresa faisait courir tout Paris avec sa Fleur des Alpes. Mais ce serait une erreur de croire qu'elle se cantonna dans le gros comique, dans la parodie, en sacrifiant ses qualités d'ardeur tragique, de fougue et de violence. Jules Lemaître raconte dans ses souvenirs l'émotion profonde qu'elle lui donna un soir vers 1900, précisément à l'Alcazar d'été. Ah. Elle chantait, entre autres, oh, l'admirable complainte qui commence ainsi, « Je me suis engagé pour l'amour d'une blonde. » Mais, c'est à Yvette Guilbert, oui, c'est à Yvette Guilbert que revint l'honneur d'avoir renoué cette tradition. Comme Teresa, vous savez que Yvette Guilbert fut tout d'abord spécialisée dans la chanson comique et grivoise. C'était une incomparable diseuse. Vous l'avez connue? Oui, oui. Et Marie-Jacques Mont aussi. C'était vers 1929, au temps des comédiens routiers. Elle n'était plus très jeune, elle vivait assez retirée. Elle recherchait les chefs-d'œuvre de la chanson ancienne qu'elle voulait sauver de l'oubli, répandre, apprendre à dire juste. Elle avait aimé nos premiers essais et elle eut la gentillesse de donner des conseils à Maurice Jacquemont. Oui, elle réunissait quelques jeunes comédiens, quelques jeunes apprentis en chanson deux fois par semaine dans un des studios de Pleyel. Et là, elle nous apprenait les secrets du parler chanté, du parler rythmé, comment un refrain devait prendre sa couleur accordée au couplet. Et surtout, le grand moment de la classe était le moment où elle interprétait elle-même. Et cette femme qui était à ce moment-là presque impotente, qui se déplaçait difficilement, qui était très forte, arrivait à tout faire croire. Elle interprétait merveilleusement toutes ces légendes médiévales, mais aussi tout son répertoire comique, comique mauve, comme elle disait, ou comique rouge et vermillon. Et aussi les poètes modernes, elle disait comme personne, les chansons de La Forgue, les chansons de Rollina et les chansons de Francis Jammes. Oui, c'est un bon souvenir. Mais nous voilà bien loin du café-concert et de l'Alcazar d'été, mon cher Sébastien. Oui, ben nous allons continuer l'énumération des genres. Voilà. Ben, il y a le monologue. Le monologue connu très grande vogue vers 1890. Le genre réaliste. Oui. Les chansons de Pierreuse. Les gigolettes. Et Eugénie Buffet qui fut l'une des premières à chanter la misère. Et n'oublions pas le genre patriotique, avec Paulus, dont le général Boulanger fit la fortune. Le général Boulanger? Non, mais comment ça? Vous savez pas ça? Paulus, il se nommait Abance. Ah. Paulus naquit vers 1845 dans les Pyrénées-Orientales, et il commença à chanter dans les sociétés d'amateurs. Puis il vint à Paris, il gagnait sa vie dans une modeste fabrique de lampes à huile. Et enfin, il trouve un engagement dans un boui-boui de Romainville. 3 francs par soirée et nourri. C'était avantageux. Alors de là, il passe au concert du 19e siècle, qui était rue du Château d'Eau, et enfin à l'Eldorado. Et... Mais malheureusement, après 3 semaines d'essai, il est résilié pour insuffisance, dit la note. Alors il passe à Toulouse, au Jardin Oriental, et il y connaît ses premiers succès. J'ai feuilleté les journaux régionaux de l'époque, et le journaliste le trouve crevant. Espatrouillant et renversant. Enfin, il rentre à Paris et il arrive à végéter. Et brusquement, en 1886, c'est la gloire. À cause du général Boulanger. À cause du général Boulanger, et voici comment. Il y avait alors rue du Croissant un négociant en chansons, un nommé Tralin, qui s'était fait une spécialité de chansons patriotiques. Il avait pour enseigne au général Boulanger. C'est dans Remy que j'ai trouvé tous ces détails. Ah bon ? Dans cette boutique, on vendait, entre autres choses, un monologue en vers intitulé « Le rêve du général Boulanger ». Que récitait, savez-vous qui ? Non. Mounassulli. Il y avait encore Boulanger maître d'école en Alsace, le corbeau de Bismarck, enfin vous voyez, le répertoire. Le nom de Boulanger sur une chanson était en somme une garantie de succès. Ah, oui. Alors Paulus en vint faire un tour dans la boutique et tomba sur une chanson qui devait faire sa fortune en revenant de la revue. Oh, et il la chanta à l'Alcazar d'été. Le soir du 14 juillet 1886, en revenant de la revue. Alors ça, c'était celui qui la chanterait, et tous les boulangistes étaient là, ouais. L'Alcazar était comble, les gens étaient serrés les uns contre les autres, enfin, mon père y était, ah, oui. Il m'a raconté tout ça, c'était un enthousiasme, un délire. Oui. Et alors Paulus ? Eh ben Paulus, il profita du lancement et poursuivit sa glorieuse carrière avec la boiteuse, les gardes municipaux, derrière la musique militaire, etc., etc. Enfin, en 1896, au comble de la renommée, il gagnait 5000 francs par an. Il possédait un hôtel à Neuilly, un château à Montfort-la-Maurie, des chevaux, des voitures. Voilà. Eh ben, vous voyez, c'était facile. Quoi, en Paulus, de faire non. La demi-heure est passée, ah oui. Ou presque, et voici terminé l'entretien d'été auquel vous vous refusez. Eh oui, et il n'y aura plus qu'à revenir ici boire avec nous le vin blanc mardi prochain. Entrez dans mon établissement, vous ne trouverez pas dans toute la foire un phénomène plus surprenant que ce barbe qui fait ma gloire. Vous pouvez toucher, craignez rien, ça vous restera pas dans la main. Touchez, voyez que ce n'est pas des primes et ça ne vous coûte que 10 centimes. Entrez, bonne d'enfants et soldats, sachez, moyen de faire foyer sera. On pourrait plutôt foyer un arbre. C'est moi que je suis la femme à barbe. C'est moi que je suis la femme à barbe. Je trouve qu'au sujet de cet ornement, les hommes ont l'âme un peu trop fière. Je suis qu'une femme, mais cependant, moi j'en vaux six. Demandez à Pierre. Pierre, l'Hercule d'en face, un agneau, qui est jaloux de moi comme un taureau. Aussitôt qu'un civil me lorgne, en nom d'un chien, comme il vous cogne. André, bonne d'enfant et soldat, sachez, moyen de faire ployer ça. On pourrait plutôt ployer un arbre. C'est moi que je suis la femme à barbe. C'est moi que je suis la femme à barbe. Les sergents de la garnison me font parfois la galanterie m'offrir un canon sans façon. Mais je vais pas avec l'infanterie. On a de la barbe, mais de la pudeur. Je suis une femme et pas un sapeur. Je pleure celui qui aurait l'impudence. Pas respecter ma corpulence. André, bonne d'enfant et soldat. Les hommes grêlés ne paieront pas. C'est pas de la chair, mais c'est du mort. C'est moi que je suis, la femme à barbe. C'est moi que je suis, la femme à barbe. La radiodiffusion Télévision Française vous a présenté Prestige du théâtre, une émission de la Société d'Histoire du Théâtre. Saison d'été. Aujourd'hui, pas de vacances pour le théâtre. Avec le concours de Maurice Jacquemont, le comédien, Léon Chancerel, Sébastien, le secrétaire, et Gisèle Casadesus de la Comédie Française, la comédienne. Texte de Léon Chancerel et de Bertrand Jérôme. À la suite de cet entretien, vous avez pu entendre La femme à barbe, d'Élie Frébault et Paul Blaguière, chanté par Madame Bordas. Écoutez tous les mardis soirs à la même heure Prestige du théâtre. Adressez tout courrier concernant cette émission à la Radiodiffusion Télévision Française, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne nationale le 23 août 1955. Vous pourrez la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.